Bonsoir, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui débute. Vous aurez l'occasion d'entendre diverses onomatopées et diverses interjections également. Tout au long de la soirée, nous vous proposerons une soirée donc agrémentée de pustules et de furoncles purulents. Nous vous souhaitons un agréable voyage au bord de cette nef. Onaniste, c'est pour vous ce soir, pour tous les branleurs et toutes les branleuses. Vous n'êtes pas tout seul. Bienvenue donc sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net pour une autre émission, un autre épisode hebdomadaire de Nuisance, l'émission de toutes les nuisances ou l'émission qui nuit au sens. Bon. toujours sur Canal Sud 92.2 FM. Malgré le bruit parasite, on arrive à entendre quelques conversations en fond. Peut-être comprendrez-vous le sens de tout cela. There's always a way out. We're going there. Jesus told me so. I can hear the answer. It's in the resolution. Yeah. We can all be together once more. Yeah. It's great, man. We're so happy. Happy. Yeah. Happy people. We're happy people everywhere. Yeah, it's great, man. I'm so happy to be here. Yeah. On voudrait aussi préciser que la solution est toujours émancipatoire, n'est-ce pas? Pas anticipatoire comme on nous l'avait prédit. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM et vous écoutez Nuisance. De mourir en direct sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. On ne vous vend rien, c'est la mort en direct. Là, vous mourrez cellulairement en parlant. Chaque seconde, voit des milliards, des millionièmes, des milliards de milliards de cellules de votre corps qui meurent. Vous êtes mort, tout s'est calmé. Autour de vous, il n'y a plus rien. Il n'y a que ma voix. Et vous êtes bientôt, donc, au bord du précipice, du gouffre même, je dirais. Celui où vous verrez votre âme perdue dans le tréfonds de l'abîme. Vous allez crever, encore une fois, et pour l'éternité, mourir. Oui. Et donc, première nouvelle, 2012 sera l'année de la merde, sinon rien. Et aussi celle du foutre, de merde, partout, de la merde, et du foutre aussi, et du sang, beaucoup de sang, 100% d'ailleurs, du sang de porc, et du sang de merde aussi. Beaucoup de chérie cette année, on vous souhaite tous beaucoup de